Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio et les Bords. Bienvenue pour une nouvelle émission L'Antichambre. Nous sommes jeudi, 21h, et nous serons ensemble avec l'oncle Ben jusqu'à 21h, jusqu'à 22h. Oui, jusqu'à 22h. Bonsoir, Albert. Alors, qu'est-ce qu'on a concocté ce soir ? Au programme de cette émission, bien, comme d'habitude, en deux temps, on va se partager cette heure d'émission. Pour ma part, ce sera en deuxième partie, et ce sera un mix de morceaux de rap américain qui date de la toute fin des années 80, début des années 90. Voilà, des De La Soul, des Kool J Rap, des KMD, voilà, enfin des noms qui ont marqué cette époque. Très bien, et puis moi, je débuterai l'émission avec une petite série de 45 que je n'ai jamais joué dans l'émission, que j'ai un peu joué dans certaines soirées qu'on a eu l'occasion de faire ensemble, et voilà, donc vous allez découvrir, c'est une sélection très funky. J'ai parcouru rapidement ta sélection tout à l'heure, et oui, je confirme, ça m'a l'air funky. Donc très bien, je rappelle juste donc la petite info qu'on avait déjà dit la semaine dernière. Donc le 10 décembre au Brin de Zinc, à partir de 21h pour 12€, vous aurez la Scret Connection en direct de Paris, c'est-à-dire Monsieur Coma et Mokless. Donc une soirée, un concert organisé par l'association Tartine, et je sais plus qui s'occupe de la première partie, mais je pense qu'il y a un groupe reggae en même temps. D'accord. À vérifier, il y a un événement Facebook, en tout cas vous pouvez aller voir ça. Très bien, et eh bien merci pour l'info, j'espère qu'il y aura du monde pour accueillir ce bon vieux petit groupe de rap français qui a bien marqué son époque, et ça fait plaisir de savoir qu'ils font encore de la scène et qu'ils sont de passage à Chambéry. Tout à fait. Donc voilà, c'est parti donc pour déjà une petite demi-heure, on va dire, de funk à partir de 45 tours. Vous allez voir, c'est assez varié. Donc on écoute ça sur les 105.9 de Radio et les Bords. Vous êtes toujours dans l'antichambre. Thank you. We'll be right back. Voilà, c'est la fin de ma sélection funky. C'était l'oncle Ben. Tu prépares un battle de break ou quoi, Ben? Non, pas du tout. Non, c'était une bonne petite sélection, ouais, qui avait du bon goût. Hein. Oui. Alors, je vais vous débriefer ça, donc uniquement donc, des 45 tours. Donc, le premier groupe, c'est le groupe Fuzik, un groupe qui nous vient de Floride. Ah, qu'est-ce qui passe? J'ai mon micro qui était un petit peu trop bas. Hein, je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc, je disais, donc, le groupe Fuzik, un groupe qui nous vient de Floride, sur un label qui s'appelle Florida Funk. Et le morceau s'appelait Groove in Sea. Ensuite, on a enchaîné avec Function, donc un 45 tours qui s'appelle To The Yard, qui est sorti sur un label Bandoni Music. Bandoni Music va nous sortir d'ailleurs, je pense, un nouveau 45 tours de ce groupe ou autre chose. Ça devrait, je pense, arriver d'ici la fin de l'année. Le troisième, attendez que je me retrouve, c'était le morceau Party Time, c'était Roy Porter Sound Machine. Alors, c'est des rééditions faites par le label qu'on connaît bien, le label allemand qui s'appelle Trump Records. Donc, ça sort chez Trump Records, mais ils aiment bien faire les pochettes originales, enfin les macarons originaux. Donc là, c'était sur un label qui s'appelle Bell Ad Records. Ah, donc c'est le label sur lequel c'est sorti, c'est à sorti l'époque. À l'époque. D'accord. Voilà, donc, des petites rééditions. Ensuite, on a enchaîné avec un label qu'on connaît aussi bien qui s'appelle Funk Night Records. Donc, ils sortent pas mal de groupes. Et là, on a écouté donc The Mighty 88, excusez-moi, mon anglais. Ouais, du nom français. Fait faux bon, voilà, ouais, hein, 388. Donc, le morceau s'appelait Man Up. On a enchaîné ensuite avec un autre 45 du même label. C'était Ricky Calloway and the Dap Kings. Donc, les Dap Kings, on les connaît bien. Et le morceau s'appelait Stay in the Groove. Et puis après, on est parti avec un groupe australien qui s'appelle The Seven Ups. Le morceau s'appelait In Eight Bad. Ils ont sorti deux petits 45 qui sont bien sympas, que je m'étais commandé. Et je pense qu'il y a même un album avec tout ça. Et puis on a fini avec pareil, un label qu'on aime beaucoup qui s'appelle Freestyle Records. C'est un label anglais. Je pense que c'était tiré d'une compilation et c'était une reprise. Donc le groupe s'appelle Polytone, le morceau s'appelle Burning Spear et c'est une reprise d'un vieux groupe qui s'appelait Soul, donc qui a popularisé ce titre et qui a même été samplé par un grand producteur des années 90 du hip-hop, Monsieur Pete Rock. Voilà. D'accord. Les petites explications. C'était une bonne petite sélection. Donc tout ça, c'était des morceaux récents, hein, de ces dernières années en tout cas. Je pense les Funk Time un petit peu plus vieux. Les 7 Up étaient de l'année dernière. Et puis après les premiers étaient sortis en 2015. Donc voilà. Donc comme je parlais de Pete Rock, on va enchaîner avec une sélection hip-hop. La Golden Era, toutes ces années 90. C'est même ça. 80, non, tu m'as dit? Ouais, on est plutôt. Enfin, il y a des morceaux, pas mal de morceaux, ouais, fin 80. Et après tout début 90. Donc je vais aller m'installer. J'ai déjà calé sur les platines Third Bass et The Gas Face. Voilà, un classique. Classique pour commencer. Et je pense qu'il y en a d'autres dans la sélection. J'y vais. Newkirk, man, step to him. Thanks, Serge. And now for the Prime Minister. Sinister. Pete. Nice. Kick him in the grill, Pete. Gas, past tense made facially. Third Basal Express, KMD. Three blind mics on site. Zev Lover gave it the first light. A grin shows a trick up a sleeve. What a tangled web they weave. Deceive is stupefied through fable. Say let's make a deal at the dinner table. Put you on tour, put your record on wax. Trust me. Sign your life on the X. You exit X all, but what you really get about Bronx and Newports and Puma sweats. Text feeds and frowns upon emis to give up gas face and drinks from a thermos. Sub rock could at you with a clipper. Gas face giving, I beg to differ. Pete, that was real deaf, man, but I gotta get serious now. Hey, yo, Don, step to him again. Everybody, MC Search. Black cat has bad luck. Bad guys wear black. Must have been a white guy who started all that. Make the gas face. For those little white lies, my expression to the mountain is blue eyes deform my face and shake my skull cap. Dismiss the myth that evil is not black but opposite spectrum. This done by red man with horns on his head. Lay down the ill plan, got all his helpers. Said, make it snappy. Tell all the people that their hair can't be nappy. Blind and blue eyed, a dark skinned heifer G. A disease created by leprosy. Don't speak of bleach, bend them to right. Say it was night, way before the light. Put aside spooks, search leaves a trace of setup correct with the effect of the gas face. Next up, Don. A special appearance by KMD's Zev Love X. A gas face can either be a smile or a smirk when a pair's a monkey wrench to work one's clockwork. Perking is built to the rim of my cup. Don't tempt me, you're empty. So fill her up as I'm talking coffee or cocoa. Is you loco? Cash or credit for unleaded at Sunoco? KMD and third base is this ace in the hole. I mean soul. So make the gas face. Damn, it looks can kill. You look like your host was a ghost from your grill, but still. What's the new fad to recollect to our passing phase? The bad days to 80 Decker for my label reads good. Street my habitat is no penny, any card or no rabbit from my hat. Never a magician if I ever trick them. Another gas face victim. There it is, yo, fellas, man. Why don't you step to the mic, man? Hey, yo, good looking out, Don, man. Peace. Pungy. Yo, who gets a gas face? Victim with a gas face. Look. Tony Dick gets a gas face. No gas face for Bloods 1, 2, and 3. No gas face for Professor Prince. Woo-hoo! But Bertini gets the big gas face. No gas face for DJ Sub Rock. No gas face for KMD. Hammer, shut the fuck. Gas face, oh! What do you think about Hammer? Just lean on me. Just lean on me. But PW Bolter gets a gas face. Just lean on me. Just lean. Can I get a yes? No. Why? I ain't happy. Cause I came back for these troubles to grab me. And they've gotten a hold on me. My oh my, things ain't what they used to be. Looks to me like Eastside got problems. Now it's time to see what we can do to solve them. Change for the better, letter. New rule being forced to school so we can get rid of all the bad apples in the bunch. Clean up the walls and cook better lunch. Put the students in class where they should be. Just stop roaming the halls and oh, could we please eliminate the drug situation? Stop smoking and getting education. Point blank, let's change the whole scenery. You need help? Well, hey, lean on me. What do you do in a situation like this? Get tough or get dissed. The job is yours to play the boss and force the laws because the source is knowledge. Wanna go to college or wanna be garbage? It's up to you, so what you gonna do? I prefer to learn cause this is for your own concern. You gotta earn however the world turns. So wake up and put some sense in your head. Don't be misled, use your brain instead. Because a brother like me can't understand your plan. Yourself cheap like a soggy old pamper. Since I'm around, I'm destined and bound to resurrect and perfect the entire school around. The whole entourage, a class so large under Joe Clark. I'm the head nigga in charge. The man with the master plan for discipline. Making changes no matter what we twist or bend. You may not understand what this mean to me, but for your own good, just lean on me. Just lean on me. Just lean on me. A better place to be. The students, the pupils have morals and scruples. Our learning ability is increased quadruple. And we're off to a brand new start. I played my part to prove that you're smart and it's proven. But I ain't moving, I won't be going, I'm here. When you need someone to lean on, to take heed to this as a blessing. And remember, ain't no half-ass. Get in full gear, I'm sure that you'll care in the long run. When you got pull here, that means authority. Word, so let knowledge uproot ya. Go for yours, cause we're the future. The ones who rise to supremacy. And if you ever need a hand, just lean on me. He's a wolf. And if cornered, they will fight. Never ever go near a wolf. Concerning the N-word, why is it when I say it gets no play? Officially it means stupid or ignorant. Say stupid or ignorant, it plays anywhere, anyhow. What's reinforced? I can't outfigure it. I figure blowing down a grass, a sick shack is simple. Now here's the plan, stupid between you and me. Through communications comes a unionation. And no wolf can down a brick house, unity. So feel free to dance, but this is not all a heel toe thing. Beware sheep, a wolf in sheep sunburn. We bear his brand, and we wear his clothing. Then he mocks us in return. Wolf man, what's up with this vibe this enemy? What are you anyway, my friend or my foe? The way this is going, you might just be the end of me. And I still dwell here, even though he's a wolf. And you a sheep. He's a wolf. And you a sheep. K-N-O-W, war will trouble you to hell. However take you, express no shovel. This is the land of the frightened, the place of the slave and the occasional unheard muffin. It's up to you to decide by the fruit that his tree provides. If not, I'll embark by myself on the ark and be marked as the boy who cried. He's a wolf. And you a sheep. He's a wolf. And you a sheep. Now listen whilst you're here. Just remember this, my dear. Stone so outrageous, you will get nauseous, infected, or contaminated. Turn on your stereo and become radio activated. Deadly and fatal, poison the title. My recital hits the parts that are vital. Just tune in the tone of beats and bones. Polo's headphones becomes a skull and crossbones. Pull out your Q-tips, clean out the earwax. If you're still hard to hear, man, I'ma scrub them with Ajax. With maximum drum, so behave and remember, you're a slave to my sound wave. Faster rhymes, I mastermind. I have to find a new method. Time after time, right around quick. When I pull out my big pen, stick to an idea to sound real slick. Then put it on paper, cause I make it hyper than any other rapper. Cause I keep my rapping riper like cherries, or some say berries. Mandatory for the auditorium's glory. Here's the story, rappers getting leery to hear me. G speaks in a new technique of fury. Combination of drums and noising. Yo, yo, yo, Polo, yo, this is poison. Poison. Poison. Poison. Look, the lights on my mic. You should get off. You're a rip-off. I'm a rip-off. Get rid of. Cause you bit off. Bite off. Ate off. Imitate off. They get paid off. For G-Rap to get laid off. Get up. Sit up. The butter up now. Buttercup. Male or female. Shut him up. Oh, shut her up. Yo, you heard what he said. Shut the hell up, man. Yeah. Hide my lines cause you pick them up. Me blind on my rhymes, your mind dwellers and stick them up. Letters of metaphor matters the better, the fatter your pockets. Rhymes blast off like rockets. Rhymes will be replaced and beats erased. A case of rap will drop the trace. Hardcore bass made in a minute. The sky's the limit for reaching the goal and the dream. Wouldn't you want to be in it to win it? Writers are wanted like animals hunted. Soon as I get them, I hit them. I done it to the suckers who fronted. The rappers who made it and did it. Forget about winning the battle, cause I'm a shake rattle. Enroll a little something for girls and poison. Yo, yo, follow my man. Yo, this is poison. Read the label, sucker. P-O-I-S-O-N. Yeah, poison. Poison. Poison. Poison. We fight every night. Now that's not kosher. I reminisce with bliss of when we was closer. And wake up to be greeted by an argument again. You act like a 10, so immature. I try to concentrate on the cure and keep looking at the front door. Thinking if I were to evacuate, you'd probably be straighter than straight and wouldn't have so much hate. Cause you don't know the pain I feel when I see you smiling. And when I roll up, you start wilding. So I front like everything's hunky-dory. But it's a whole different story. You don't like the fact that I'm me. I don't put on a show when it comes time for you to have company. And your friends don't understand your choice of man. They speak proper while my speech is from a garbage can. But regardless, you shouldn't have to be so raw. I'm looking at the front door. I'm looking at the front door. Baby, I'm looking. with your friends, I glide to the side until the spotlight is mine. And never sabotage a good time. But when they're not around, the fights commence. I'm the one you're against, and it doesn't make sense. Cause I'm the one that you claim to love for life. But all I get is gray hairs and strife. And I can play some old stuck-up rapper role and get foul every time you lose control. But that's not my order of operations. So I should win an award for lots of patience. Cause that's all a fella can have with a girl who's shooting up his world like Shav. And I don't think that I can take it anymore. I'm looking at the front door. I'm looking at the front door. I'm looking at the front door. I'm looking at the front door. voilà, une sacrée sélection hip-hop mixée avec classe par monsieur DJ LBR. Merci Ben, ça fait plaisir à entendre. Peut-être si tu montes ton micro, ça ira mieux. Ça ira mieux. En tout cas, c'était une sélection que j'ai pris plaisir à mixer. Il y a rien à dire, hein. Le son années 80, années 90, ça passe toujours bien. Il y avait des classiques, d'autres morceaux un peu plus un peu plus rares. Il y avait des remixes effectivement. Donc voilà, les amateurs de la vieille école du son funky et rythmé auront apprécié, je l'espère. Donc on va se dérouler rapidement les 7 morceaux qu'on s'est écoutés dans cette sélection. Le premier, on l'avait annoncé, c'était Third Bass avec leur gros hit de l'époque, The Gas Face, qui introduisait Monsieur Z Love X de KMD, qui est devenu plus tard Monsieur MF Doom. Exactement, après une période sombre, il renaîtra de ses sombres, de ses cendres. Ensuite, on a écouté Big Daddy Kane avec Rap Summary, extrait de, je crois, ça doit être de son deuxième album, ça doit dater de 90 ou quelque chose comme ça. Ouais, hein. Je pense, ouais. Ensuite, c'était The Far Side, là on allait un petit peu plus loin, on était en 93, je crois, avec Bizarre Ride to the Far Side, et c'était le morceau Officer. Ensuite, on était de retour avec Xave Love X, avec son groupe KMD, et le titre Boy Who Cried Wolf. Ensuite, c'était Cool J Rap et DJ Polo avec le morceau Poison. Donc là, c'est pareil, on doit être en 89 ou 90. Hein, on ouais, c'est la grosse écurie Juice Crew avec Big Daddy Kane. Voilà. Marley Marl à la production. Voilà. Ensuite, c'était Larch Professor à la production avec Main Source et le classique Looking at the Front Door. Et puis, le dernier morceau, à l'instant, c'était De La Soul, un remix du morceau Ghetto 5 qu'on retrouve sur leur premier album, Swift Iron Rising. C'était le Ghetto Zimmer Mix. Voilà, puis moi juste une petite aparté sur Monsieur Larch Professor. Il y a une vidéo qui est sortie hier, un concept qui s'appelle Rhythm Roulette, où il demande à des producteurs de choisir 3 disques à l'aveugle et de concocter un beat avec. Et lui a réussi à prendre les 3 et à faire un beat. Donc je vous invite à aller regarder ça sur YouTube. C'est le site Mass Appeal qui fait ça. Et franchement, le gars, c'est une tuerie. C'est des maîtres en la matière. Voilà. Combien de temps il nous reste, oncle Ben ? Ah, il nous reste le temps d'écouter un bon petit morceau que tu as choisi. On va rester dans la même période. On est en 91. On va être du côté de la Californie avec Del the Funky Homo Sapien. Le cousin de Monsieur Ice Cube. Un album, premier album qui sonnait encore un peu G-Funk, hein, quand même. Ouais. En tout cas, c'est funky, surtout le morceau qu'on va écouter, puisqu'il s'agit de Mr. Bombay. Donc voilà, ce sera le dernier morceau. On vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine et rendez-vous jeudi prochain, 21h, sur le 105.9 de Radio Les Bords. Le rendez-vous est pris. Allez, ciao! Like a dunk, and I'ma pin the tail on the funk. Has anybody seen Dell? Head swell, cause I get paid well, kick it much tail. Drink me a 40 as I ride my rhinoceros. You don't like it? Well, you got to kiss where the sun don't shine. Something like my behind, I lose a fan, but I'ma be fine. Dr. Feelgood, didn't think I still could make funk real good. Take it, then I looped it, make you say, boy, how stupid. The motor booty make you shake, yo. Cause I'm much like a hunk to the dark-skinned girls with funk in their trunk. Coming from around the way, it's Del, better known as Dr. Bombay. Dr. Bombay, he don't stop and he don't play. Every time I try to catch him, he's always running away. Dr. Bombay. just a 151, so let's take it to the stage, you suckers. I jam, and Mr. Dabalina eats smut. Back in the house with the crew, how it lifted. Now you know everything is terrific. Funk in the 1990s, that's ironic. So grab you a sack of that chronic. Down with the lynch mob straight from the ghetto. But I'm under the sun in the meadow. Me and this Amazon sitting on my lap. But so big when she walk in clap. Doing the hoochie coochie in the force. Y'all know who I am, so girl, sing the chorus. Get up off your knees. Everything that Dr. Bombay said is guaranteed to make your day. So oops upside your head. I like club men hanging out with the fans. And girl, if you ain't got a germ, I won't hesitate to pull out my funky worm. But if you ain't down with Delphon, cancel your appointment and please get the hell on. Cause I won't have fraudulent clothes under my nose if you want 86 to close. Get out my way so I can save the day. Cause I'm Dr. Bombay.